fais que la dèche, rien dans ma bouche, on y la vermine. Je fais pas le riche, on y la hesse, on y la vermine. On y les meuches, on y les gueuches, on y la vermine. On y les dettes, on y les taxes, on y la vermine. Oulala, oulala, oulala. Bastos trop constant et gauche trop stylé. Pas de dispense, on se détend, c'est ma destinée. C'est ma destinée, et là y'a pas de cinéma. Tout est dessiné, et je m'en fous si t'es mal. Tu sens sur la poussette, qu'est-ce que te repoussait? Maintenant besoin d'une tutelle, tais-toi avant qu'on voit tes tétons. J'ai dit les dilets, dilets, dilets, mais où sont les gueuches? J'ai dit les dilets, dilets, dilets, avec barrette en bouche. Oh, colala, oh, le colala, le matate. Me donne la barre le matin, mais aussi des coups de matraque. Nous c'est la street, bourré jusqu'à l'eau. Bah ouais, j'ai fait du mal. Limbi sangra ya ouais. Oulala, oulala, oulala, oulala, oulala, oulala, oulala, oulala. Le wood c'est ma maison, c'est là où j'ai tout vissé. Maintenant que je suis dans le son, j'y bougerai pas, c'est sûr. Le wood c'est ma maison, c'est là où j'ai tout vissé. Maintenant que je suis dans le son, j'y bougerai pas, c'est sûr. Hop, monte en Anthony, j'ai toujours eu les mêmes acolytes. L'équipe est solide, ne bouge pas, mystique et très impolie. Roule dans des gros bolides aussi, pendant les colombes aussi. Je te raconte pas la recette, les manques de respect et tous les recettes. Quand on attaque, c'était pour avoir la paille. D'ailleurs, prenez la carte, est attaché dans la porte. On est des attardés, faisait tout pour l'encart. Rien à part, et nous on s'en racle ton appart.